Lettre 19e, suite de la lettre d'Evelina, samedi matin, 17 avril. Madame Duval nous amena M. Dubois. Je m'étonne qu'il s'avise de l'introduire dans une maison où il est si mal reçu. Je trouve tout aussi singulier qu'elle ne sorte jamais sans lui. Cependant, je n'aurais peut-être point fait cette remarque si le capitaine Mirvan ne me raillait sans cesse sur le damoiseau de ma grand-maman. Madame Mirvan les reçut tous deux avec l'honnêteté qui lui est propre. Mais le capitaine assaillit tout de suite Madame Duval de la manière la plus insultante. « Eh bien, madame, vous qui avez vu le monde, expliquez-moi un peu ce que vous préférez, la chambre chaude à Ranelagh ou le bain froid que vous prîtes ensuite. Mais certes, vous avez un air si bien portant que je vous conseille de redoubler la dose. » Madame Duval, « Ma foi, monsieur, on ne vous demande pas vos conseils et vous pouvez les garder pour vous. D'ailleurs, ne vous en déplaise, il me semble que ce n'est pas une bagatelle que d'être éclaboussé, d'attraper un rhume et d'abîmer toutes ses hardes. » Le capitaine. « Éclaboussé, dites-vous, et n'est-ce que cela? Je vous croyais trempé de la tête aux pieds. Allons donc, ne faites pas la fine bouche, ce serait gâter le compte. Souvenez-vous que vous étiez percé jusqu'à la moelle des os. » Par la sambleu, j'en rirai toute ma vie. La pauvre dame laissée à l'abandon et assaisonnée de la sorte, et puis monsieur le français à côté de vous, mouillé comme un rat. » Madame Duval. « Plus notre embarras était grand, plus vous avez eu tort de n'être pas venu à notre secours. Vous saviez très bien où nous étions, et je vous ai entendu rire à gorge déployée le moment où cet accident arriva. D'ailleurs, il n'est que trop vraisemblable que c'est vous qui nous avez renversés. Car M. Dubois m'a dit que sans un croc en jambe qu'on lui a donné, il ne serait sûrement pas tombé. » Le capitaine jeta des éclats de rire si immodérés que je commençais à croire cette imputation fondée. Mais il nia absolument le fait. Madame Duval. Pourquoi donc n'êtes-vous pas venu nous secourir? Le capitaine. Moi, croyez-vous que j'avais oublié que je suis anglais, un vilain, un brutal anglais? Madame Duval. Fort bien, monsieur, fort bien. Mais j'étais une sotte d'attendre mieux de vous. Cela ressemble au reste de la pièce, à l'offre gracieuse que vous me fîtes de me faire sauter la portière la première fois que je vous vis. Mais ce qui est très certain, c'est que je suis décidé à ne plus vous choisir pour me conduire à Ranelagh, car si j'avais eu le malheur de tomber sous les chevaux, je parie que vous n'eussiez pas bougé d'un pas pour me sauver la vie. » Le capitaine. « Je vous réponds bien que non, madame. Pas pour tout au monde. Je connais trop la bonne opinion que vous avez de votre nation pour vous faire l'affront de croire qu'un Français puisse avoir besoin de moi quand il est question de vous défendre. » Madame Duval. « Bravo, monsieur. Continuez. Cela est digne de vous. Si le pauvre Dubois n'avait pas partagé avec moi ce fâcheux accident, je n'aurais eu besoin des secours de personne. » Le capitaine. « Je vous promets que les miens vous eussent laissé en plein repos. Je sais mieux garder mon rang. D'ailleurs, il ne s'agissait que de vous plonger un temps soit peu. Vous pouviez arranger cela vous deux, et j'aurais été de trop. » Madame Duval. « Je pense que vous cherchez à me faire croire que monsieur m'a joué ce tour à dessein. » Le capitaine. « Mais très certainement. » Qui en douterait? Un Français faire une maladresse? Vous n'y pensez pas, madame. Passe encore pour un rustre anglais. À quoi bon tous les sauts et les cabrioles de vos maîtres de danse si vous ne savez pas seulement tenir l'équilibre? » Pendant ce dialogue, Sir Clement Willoughby se présenta dans la salle. Il affecta de fréquenter la maison sur le pied d'une ancienne connaissance, et ces mêmes airs de familiarité dont je suis si choqué servent précisément à le mettre bien dans l'esprit du capitaine, dont il a le talent d'étudier tous les caprices. Après l'avoir accueilli avec beaucoup d'amitié, M. Mirvan lui dit « Vous venez à point nommé, mon garçon, pour arranger un petit différend entre madame et moi. Vous imagineriez-vous que le bain que monsieur lui administra l'autre soir n'a pas été de son goût ?»« J'aurais cru, répondit Sir Clément avec un grand sérieux, que l'amitié qui subsiste entre monsieur et madame eût dû prévenir tout événement fâcheux. Mais peut-être ne se sont-ils pas entendus d'avance, et dans ce cas, monsieur a commis une petite inattention, car selon mon avis, il aurait dû s'informer auparavant de l'espèce de terrain auquel madame donne la préférence. » « À merveille, monsieur !» s'écria madame Duval. « Vous voudriez nous mettre aux prises, mais on ne se joue pas de moi à si peu de frais. Épargnez vos peines, j'ai déjà pénétré votre intention. » Monsieur Dubois, qui était parvenu à démêler le sujet de la conversation, entreprit de plaider sa cause avec beaucoup de solennité. Il espérait, dit-il, que la compagnie conviendrait du moins qu'il n'appartenait point à une nation de sauvages, et qu'ainsi il était incapable d'offenser une dame de propos délibérés, qu'au contraire, en tâchant, comme il était de son devoir, de sauver Madame Duval, il en avait pâti lui-même, de façon à s'en ressentir longtemps. Puis il ajouta, avec une physionomie allongée, qu'il se flattait qu'on ne le taxerait pas de prévention, s'il soutenait que cette malheureuse chute ne devait être attribuée qu'à un choc violent qu'il avait reçu de quelques personnes mal intentionnées, qu'il ne déciderait pas cependant si c'était dans le dessein de faire tomber sa dame ou seulement pour éclabousser ses habits. Cette contestation fut enfin terminée par Madame Mirvan qui nous proposa d'aller voir le cabinet de curiosité de Cox. On fut bientôt d'accord et on fit arrêter des voitures. Ce cabinet offre des choses surprenantes et d'une grande richesse. Il m'intéressa peu, cependant. C'est une pure parade, mais il est vrai qu'elle tient du merveilleux. Pendant que nous faisions le tour de la salle, Sir Clement Willoughby me demanda mon sentiment sur ce brillant spectacle. Je lui répondis que je le trouvais joli, et même ingénieux, mais que je sentais malgré cela un certain vide dont je ne savais pas trop rendre raison. Supérieurement bien répondu, s'écria-t-il. Vous avez défini à la lettre mes propres sentiments, mais avec une finesse à laquelle je n'aurais jamais pu atteindre. J'étais bien sûr que votre goût est trop bon pour pouvoir être flatté de ce qui ne parle pas à l'esprit. Pardieu, s'écria Madame Duval, vous êtes bien difficile, vous deux. Si ceci n'est pas de votre goût, que pourrez-vous donc trouver de beau? C'est le coup d'œil le plus grand, le plus brillant, le plus exquis que j'ai encore vu en Angleterre. Je suppose, reprit le capitaine en ricanant, que cela est dans votre goût français. Cela y ressemble assez, car ce ne sont que de pures babioles. Mais dites-moi, mon ami, ajouta-t-il, en s'adressant à celui qui nous expliquait ses curiosités, de quelle utilité est tout ceci? Je ne suis pas assez sorcier pour le deviner. En effet, répliqua Madame Duval avec dédain, comme si chaque chose devait avoir son utilité. N'admirez-vous pas, monsieur, répondit notre conducteur, l'industrie du mécanicien, la beauté du travail. Toute personne de goût peut aisément apercevoir l'utilité d'ouvrages aussi extraordinaires. Votre personne de goût doit être, dit le capitaine, un fat ou un français, ce qui revient à peu près au même. Nous étions occupés alors à examiner une pomme de pin qui renfermait un nid d'oiseau chantant. Ah ! S'écria Madame Duval, voilà qui est plus joli que tout le reste. Je n'ai rien vu de plus élégant dans tous mes voyages. N'as-tu pas, mon ami, dit le capitaine au conducteur, d'autres pommes que celle-là ? Comment, monsieur ? C'est que je te prierai de m'en donner sans oiseau, car, vois-tu, je ne suis pas français et j'aime les choses solides. Ce spectacle finit par un concert de musique mécanique. Je ne saurais expliquer comment elle fut exécutée, mais l'effet en était charmant. Madame Duval était ravie en extase, et le capitaine la contrefaisait par des contorsions ridicules qui attiraient l'attention de toute l'assemblée. Pendant qu'on exécuta l'ancienne d'un couronnement, Madame Duval affectait de battre la mesure et d'exprimer sa satisfaction par différents gestes. Le capitaine demanda au plus vite des odeurs. Une dame eut la politesse de lui présenter son flacon, et il n'eut rien de plus pressé que de le mettre sous le nez de la pauvre Madame Duval. La trop grande quantité qu'elle en prit par distraction lui fit jeter de hauts cris. Dès qu'elle fut remise, elle éclata, comme de coutume, en invectives. Mais le capitaine protesta qu'il n'avait pris cette précaution que par pure amitié, les transports de la dame lui ayant fait craindre qu'elle ne se trouvât mal. Cette excuse, loin de l'apaiser, amena une forte querelle, qui n'eut d'autre effet que de divertir le capitaine. Il est toujours si bruyant en public que très souvent nous avons honte de lui appartenir. Madame Duval, malgré sa colère, ne fit aucune difficulté de venir dîner avec nous. Madame Mirvan avait retenu des places au théâtre de Drury Lane, et elle l'invita poliment d'être de la partie. Son rhume l'empêcha d'accepter la proposition. « Je suis fâché de son indisposition, mais je ne regrette point le refus qu'elle fit de nous accompagner. Sans oser la juger sévèrement, je dois avouer pourtant qu'elle n'est point de la classe des personnes auxquelles je puis donner mon approbation. »